Chapitre 12e. L'intimité du monsieur du troisième avec la repriseuse faisait le sujet ordinaire des conversations dans toute la maison. Angélique ne tarda pas à remarquer que ses voisines n'étaient pas avec elle comme elle l'avait été jusqu'alors. Quand elle les rencontrait dans l'escalier ou sur les paliers, on la regardait d'une singulière façon et il y en avait, plus gaillarde que les autres, qui lui adressaient des plaisanteries qu'elle fut assez longtemps à comprendre. Qu'avait-elle donc? Que se passait-il? Elle sentait bien que ce n'était pas de la malveillance, mais plutôt de la curiosité malicieuse. Pourquoi cette curiosité malicieuse? C'était ce qu'elle se demandait sans trouver de réponse à cette question. Mais un jour, une plaisanterie plus précise que les autres lui ouvrit l'esprit. Elle rentra chez elle, indignée, malheureuse et honteuse. Ces femmes étaient aussi bêtes que méchantes, ou plutôt, elles n'étaient que bêtes. Elles ne savaient pas. Elles la jugeaient d'après elle-même, comme elles jugeaient M. Passereau d'après les hommes qu'elles connaissaient. Elle ne l'avait donc jamais regardé, jamais vu. Est-ce qu'avec son grand air, sa tournure de vainqueur, ses manières distinguées, il pouvait penser à une femme comme elle, une pauvre fille, une ouvrière, lui qui avait connu tant de grandes dames et qu'une baronne de Saint-Hubert venait voir? N'avait-elle pas encore dans les oreilles le froufrou des jupons de cette baronne et le piaffement de ses chevaux? N'avait-elle pas encore dans les yeux l'éblouissement des panneaux armoriés de sa voiture? Qu'elle pensa à lui, elle, qu'elle se dit qu'une femme devait être heureuse de l'aimer et d'être aimée par lui, qu'elle le vit beau, intelligent, instruit, amusant, aimable, spirituel, enjoué, plein d'entrain, qu'elle lui trouva du prestige, qu'elle l'admira, cela était tout naturel, elle le connaissait, et bien certainement c'était un homme supérieur, elle n'avait pas besoin de savoir sa vie pour en être convaincue, cette supériorité était éclatante, elle s'imposait. Il n'y avait qu'à le regarder, il n'y avait qu'à l'écouter. Son âge n'avait rien pour déplaire à une fille comme elle, qui n'avait jamais vu la vie que du côté sérieux. D'ailleurs, quel âge avait-il? 40 ans? 50 ans? L'âge qu'on voulait lui donner. Pour elle, son âge n'était rien. Elle ne s'en rendait pas compte. C'était lui qu'elle voyait, rien que lui, éparé de tous les mérites. Mais c'était simplement en théorie qu'elle pensait à lui, et c'était le personnage de roman qu'elle voyait, celui qui était entré dans sa vie d'une façon romanesque, non l'homme qui provoquait les bavardages de ses voisines. Cependant, une fois que son esprit eut été ainsi averti, elle fit certaines remarques qui l'étonnèrent, d'autant plus que ce qui la frappait maintenant n'était pas nouveau, et existait depuis les premiers jours qu'ils s'étaient connus. Comment avait-elle attendu jusque-là? Cela tenait sans doute à ce qu'elle n'était pas de celles qui ouvrent les yeux, mais de celles-là qui on les ouvre. Il fallait qu'on lui fît signe, elle ne se faisait pas signe elle-même, et alors, elle comprenait aussi bien que n'importe qui. Ainsi, on ne l'avait jamais regardée comme il la regardait. Il y avait dans ses yeux une attention qu'elle n'avait vue dans les yeux d'aucun homme, comme de la curiosité, comme de l'intérêt, et aussi quelque chose qu'elle ne connaissait pas, qu'elle ne savait pas définir, qui lui était doué, qui cependant la troublait. Ce trouble, qui en réalité lui était agréable, devenait quelquefois gênant, quand il lui adressait certains compliments sur sa personne. Ainsi, quand il lui parlait de ses cheveux, ce qu'il faisait souvent, de ses yeux, de son sourire. Est-ce que, quand on offrait un bouquet à une femme, on avait toujours ce désir de faire plaisir? Cela, elle ne le savait pas, puisqu'il était le premier qui eut la pensée de lui donner des fleurs. Mais il lui semblait que non. Est-ce que, quand on ne s'intéresse pas à une femme, on lui donne des conseils pour sa toilette, pour sa coiffure? S'il lui donnait des conseils pour la rendre plus agréable, s'il essayait de l'élever jusqu'à lui, s'il était sensible à ce qu'elle pouvait devenir, il voyait donc en elle une femme. Et pourquoi non? D'autres qui ne valaient pas plus qu'elle s'étaient bien mariés et même avaient fait de beaux mariages. Elle avait, à propos de ces beaux mariages, entendu des histoires racontées par les limoniers qui prouvaient que des hommes dans de grandes situations avaient épousé des filles qui n'étaient pas plus qu'elle. Il n'était pas dans sa nature d'être fier d'elle, ni même d'en être contente. Mais enfin, il lui semblait que pour le cœur, le dévouement, la tendresse, elle était l'égale de toutes. Cela, elle le sentait, elle en était sûre. Plus qu'une autre, elle pourrait rendre heureuse celle qu'il aimerait, et qu'il aimerait. Tel qu'elle le voyait, et croyait le bien connaître, il devait être sensible à ses qualités de cœur. Pour être venu se réfugier à avenue des Tilleuls, pour avoir failli mourir de faim, abandonné par tous, il fallait qu'il eût éprouvé de grands malheurs. Dans cette situation, ne serait-ce pas pour lui une joie, en même temps qu'une consolation de se sentir aimé. Si en ce moment encore il était jeune, il devait vieillir plus vite qu'elle, puisqu'il avait le double de son âge. Devenu vieux, vraiment vieux, ne serait-ce pas un soutien d'avoir près de lui une femme encore jeune? Elle l'aimerait, elle le soignerait, ainsi elle serait pour lui femme et fille à la fois. Elle n'avait pas à espérer que jamais dans sa vie elle pût retrouver un mari comme celui-là. Qui viendrait la chercher dans cette chambre où elle travaillerait jusqu'à sa mort? Elle n'avait pas de relation, elle ne connaissait personne. Ce ne serait pas avec son caractère, ses habitudes, avec sa timidité qu'elle irait à la chasse d'un mari. Qu'il s'en présentât un par hasard, ce qui n'était pas encore arrivé, ce ne serait qu'un homme de la même condition qu'elle. Peut-être un ouvrier ivrogne, comme il y en avait plus d'un dans la maison, qui la battrait, qui boirait ce qu'elle gagnerait, qui la laisserait mourir de misère, elle et ses enfants. Ou bien, si on mettait les choses au mieux, s'il n'était pas ivrogne, s'il travaillait, qui ne l'associerait qu'à une existence grossière. Tandis que s'il la prenait pour femme, il l'élèverait jusqu'à lui. N'avait-elle pas déjà des idées, des espérances, des ambitions morales, depuis qu'elle le connaissait, qu'il avait développé ou fait naître? Et s'élever, monter plus haut, devenir meilleur, n'était-ce pas le but qu'on doit se proposer? Déjà, grâce à lui, elle s'était élevée bien peu, à la vérité, mais enfin un peu. Qu'elle ne l'épousa pas, il faudrait qu'elle en restât là, et même qu'elle redescendît. Ce n'était pas pour rien faire qu'elle caressait cette espérance. Bien au contraire, elle travaillerait. Elle serait heureuse de travailler pour lui. Si jamais, dans un jour éloigné, cet héritage dont il avait plusieurs fois parlé vaguement, et sans dire quel il serait, lui arrivait, généreux comme il était, il aurait plaisir à le partager avec elle. Elle avait déjà vu qu'il était de ceux qui disent « Quoi de meilleur que de faire le bonheur de ceux qu'on aime ?» Ainsi elle raisonnait, quand elle était toute seule, le jour pendant qu'il se promenait, la nuit quand elle s'éveillait, et longuement elle suivait ses rêveries. Mais ce n'était pas sans résistance qu'elle s'y abandonnait. N'était-ce pas folie qu'une jeune fille de sa condition pense à faire un pareil mariage? Elle avait entendu dire que les filles de son âge qui ne sont pas mariées perdent la tête et sont capables de toutes les extravagances pour trouver un mari. Elles se laissent aveugler, elles ne voient que leurs désirs. C'était peut-être son cas. On ne s'aperçoit pas qu'on devient folle. Ce sont les autres qui le voient, qui le disent, alors qu'on se croit pleinement raisonnable. Si elle avait eu son père, si elle avait eu sa mère, elle les aurait consultés. Elle n'avait que ses amis limoniers. Elle s'adresserait à eux.